vie meilleure. On rêve tout ce qu'elle nous attend. C'est la prison qui t'ouvre les portes. Et le droit chemin par rampant. Comore, Kosovo, les Balkans, l'Afrique. C'est la parole d'un rêve qu'on n'aura jamais de la vie. Écoute, c'est la vie de rêve qui n'a jamais réveillé de ceci, de cela. C'est triste à dire, désespérant à voir. Les gosses traitent le parent et se mettent à fumer, à boire. On en vient au bout, on a tout découvert. La planète des singes, je pense qu'elle était ça, mon frère. Une vie de rêve, j'ai rêvé toute ma vie. Point positif, je suis pas un traître, toi un fils de Haki. Trahis ton pays et tes dailles. L'échec vient pas me serrer la main, c'est une boucave. Je suis albanais, 100% pure souche. Je respecte le daron et je réponds salam alaikum. Trop fier pour me rabaisser. Albos mon blaze et qui est l'escroc de la société. Les années passent et se suivent. Y'a rien qui change à part les recrutements à la police. C'est grave, y'a plus de keufs que de naissances. Je remercie le tout puissant m'avoir laissé plusieurs chances. La vie de rêve est devenue un cauchemar. Appelle-moi Kosoda, je représente mon Pushka. Et on t'enterre tard le soir. Gringo, joue pas avec moi. J'suis des terres fondées. Mes papiers sont faux, comme ta ceinture DG. Ça dit des paroles à tort et à travers. J'suis muslim et j'en suis fier. J'milite pour l'Albanie ethnique. Celui qui dira le contraire aura une vie brève, ethnique. J'suis là et j'représente l'Afrique, le Kosovo, tout ce qui va avec. Albos, mon blaze, j'suis vénère. Je suis comme tous ces jeunes d'Afrique qui rêvent de fric. La France m'a vendu que du rêve et souhaiterait que je crève. Mais gros, je rêve de gloire et d'une vie meilleure pour mes cousins qui galèrent comme mort. Moi, descendant des îles sultans, batailleurs, mes ancêtres m'ont connu qu'est la guerre, l'horreur et la torture. Nos darons ont tout quitté et tout lâché pour nous intégrer dans le système français sans s'y soumettre. Gros, j'ai de la peine pour ces frères perdus entre la France et le bled, rejetés par la société. Moi, je rêve de thunes pendant que certains se laissent tenter par le bitume. Je prends le micro pour représenter ces jeunes du ghetto que la France a plongé dans la délinquance. Hey, je suis un Rennais, mais dis-toi que je suis comme toi. Je crois en moi et avance avec la foi. C'est la voix de Wenka qui représente Africa, un continent en or. Une vie de rêve derrière les barreaux. C'est pas un avenir envisagé par le daron. Mais pourtant les centaines de failles rentrent par semaine. Du lever jusqu'au coucher, on vit dans une haine. Dans une haine qui nous envahit de jour en jour. On est venu ici pour s'en sortir. Mais l'état nous répète sans cesse qu'on ne voit rien et qu'on est là pour mener une vie de galérien. La richesse de ce pays et l'immigration. Tous solidaires, moi et mes frères, on est sur le terre-terre. Représente pour 55. Une vie meilleure, on rêve tout ce qu'elle nous attend. C'est la prison qui t'ouvre les portes. Et le droit chemin par rampant. Comore, Kosovo, les Balkans, l'Afrique. C'est la parole d'un rêve qu'on n'aura jamais de la vie. Écoute, c'est la vie de rêve qui n'a jamais réveillé de ceci, de cela. Je rêve d'un monde meilleur où la pauvreté ne fait pas de victime ni même de casse. Un monde où le mot sarco est inexistant. On ne choisit pas la vie qu'on mène, mais on l'accepte comme elle est. On ne choisit pas la couleur de notre peau, mais on fait avec. On est nombreux à se plaindre de notre situation. Mais personne nous entend si ce n'est que madame la rue. On patiente mais des gifles. J'ai promis à ma mère que mes conneries étaient passives. Même les petits kiffent le bifeux. Ce qui compte aujourd'hui c'est le chiffre. L'amitié se résume à combien tu pèses. T'es léger, dégage, t'es lourd, balèze. On est balèze et la justice nous empêche à effectuer nos rêves. Je rêvais d'une carrière à la Mark Tyson ou du ballon d'or mais la rime a mis KO comme Jason. Les études pour la plupart c'est fini le plus vite possible. Alors la deuxième solution c'est les lobes dans le bitume. Mais le sale ne paye pas. On suit tous le même chemin enfermé pour stup. C'est le résultat. C'est pour tous les enfants de Comores, Mayotte, Albanie et Turquie. Enfants du terre-terre, nos rêves restent les mêmes. Écoute frère, la vie ne vaut pas grand chose si les rêves restent des rêves. Alors élève ta tête s'il le faut et franchis les frontières. Une vie meilleure, on rêve tout ce qu'elle nous attend. C'est la prison qui t'ouvre les portes. Et le droit chemin par rampant. Comores, Kosovo, les Balkans, l'Afrique. C'est la parole d'un rêve qu'on n'aura jamais de la vie. Écoute, c'est la vie de rêve qui n'a jamais réveillé de ceci, de cela.